pour soi. Alors pourquoi faire cette chose-là? Rester tranquille, être là, marquer sa joie à travers sa voix. Ce son qui est là, il me suit depuis, je ne sais pas, 25 ans, 7 mois. Cette vie de con, ce n'est pas que pour toi. Tout le monde, tu vois, passe par cette chose-là. Tu n'es pas là pour ne rien faire de toi. Alors bouge-toi, utilise tes doigts. Rester tranquille, être là, c'est pas si dur et tout ce que tu vois, faut pas le croire, instantanément comme ça. Rester tranquille, être là, marquer sa joie à travers sa voix. Ce son qui est là, il me suit depuis, je ne sais pas, 25 ans, 7 mois. Qui pousse tes